Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Que sais-je? Comment fais-je? Pourquoi-je? À quelle heure-je? Depuis quand-je? Attention, l'angoisse peut provoquer des tournures de phrases trop alambiquées pour votre interlocuteur. Pour une meilleure compréhension avec votre entourage, pensez à remettre le pronom personnel en début de phrase. Je qui suis? C'était un message de la prévention psychologique. Ça va pas la tête?